50 ans avec les premiers pas de l'homme sur la Lune. Mais justement, comment observer l'univers? Comment le voir? Réponse avec les télescopes. 4, 3, 2, 1, lift off. Qui n'a pas été émerveillé en contemplant un jour, dans un album d'astronomie ou sur Internet, les magnifiques clichés d'étoiles, de nébuleuses, de galaxies? Toutes ces images ne sont pourtant que la partie émergée de l'iceberg. Parce que la lumière que nous voyons n'est qu'un petit chapitre dans un grand livre appelé « Rayonnement électromagnétique ». Ondes radio, micro-ondes, infrarouges, ultraviolets, rayons X et rayons gamma en font partie au même titre que la lumière visible. Il s'agit du même phénomène physique, porté par des particules vibrantes, appelées photons, mais de longueur d'onde, de fréquence et d'énergie différentes. Or, les astres émettent dans toute la gamme du rayonnement électromagnétique. Si l'on veut bien comprendre leur fonctionnement, il faut pouvoir les observer sous toutes leurs coutures. L'atmosphère ne laisse cependant passer que la lumière visible et les ondes radio. Tout le reste est absorbé. Elle empêche ainsi le télescope au sol de travailler dans toutes les longueurs d'onde. La solution? Embarquer des télescopes sur des fusées ou des satellites pour capter directement la palette des lumières venues de l'espace. Les astronomes ont donc conçu toute une batterie d'instruments capables d'observer l'univers dans toutes les longueurs d'onde, chaque domaine du rayonnement électromagnétique exigeant un détecteur à la technologie très particulière. À l'heure actuelle, 90% de l'information collectée sur le ciel provient des télescopes fonctionnant dans l'espace. Alors comment parler de ces détecteurs embarqués sans commencer par le télescope spatial Hubble? Nommé d'après un célèbre astronome américain du siècle dernier, l'instrument gravite depuis 1990 à 600 km d'altitude et nous offre les plus spectaculaires images du cosmos. Développé par les agences spatiales américaines et européennes et équipé d'un miroir principal de 2,40 m de diamètre, le Hubble Space Telescope, HST pour les intimes, observe dans le domaine des longueurs d'onde visibles, l'ultraviolet et le proche infrarouge. Et avec ses clichés de champs profonds montrant des milliers de galaxies, il a notamment fourni un aperçu sans précédent sur la structure à grande échelle de l'univers. Mais après plus de 25 ans de bons et loyaux services, il sera inéluctablement mis au rancard dans la prochaine décennie. Son successeur, le James Webb Telescope, nommé en hommage à un ancien administrateur de la NASA, va prendre sa place dans le ciel en 2021 avec des capacités nettement supérieures, notamment un miroir de 6,5 mètres et un positionnement bien plus favorable. En effet, tous les télescopes spatiaux ne sont pas en orbite autour de la Terre. Certains le sont plus avantageusement autour du Soleil. Positionnés en un point d'équilibre particulier du système Terre-Soleil, appelé le point de Lagrange. Situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, il offre un endroit privilégié pour observer l'espace lointain. Et le James Webb Télescope y rejoindra plusieurs autres télescopes majeurs déjà installés aux meilleures places. L'embarquement de détecteurs spécifiques pour les rayonnements X et gamma a commencé dès les années 1970. Avec des télescopes nommés Einstein, XMM Newton, Chandra ou encore Intégrale, est apparue l'image du ciel tel qu'il palpite dans ses fenêtres de haute énergie, révélant toute une série de phénomènes astrophysiques extrêmement violents, comme les trous noirs, les explosions d'étoiles ou encore les sursauts gamma. Le domaine infrarouge dévoile pour sa part l'univers froid. Les télescopes spatiaux, Spitzer et Herschel, nous permettent ainsi d'assister à la formation des étoiles et des planètes au sein des vastes nuages d'hydrogène interstellaire. Mentionnons pour finir le télescope généraliste Gaïa de l'Agence spatiale européenne, au lancement duquel j'ai eu la chance d'assister en 2013 depuis la base de Kourou en Guyane. C'est le satellite de tous les records. Sa caméra numérique, la plus grande jamais lancée dans l'espace, a mesuré les caractéristiques de plus d'un milliard d'objets célestes, allant des astéroïdes proches jusqu'aux quasars les plus lointains, en passant par les étoiles de notre Voie lactée, les supernovas et les galaxies. Mais le télescope spatial phare de la prochaine décennie n'est pas un détecteur d'ondes lumineuses. Il se nomme LISA et traquera d'autres messages venus du cosmos, les ondes gravitationnelles. Je vous en parlerai demain.